إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui, c'est le cours numéro 25 dans l'explication et la lecture du livre Haqiqatul Wala'i wal Bara' fi al-Kitab wa al-Sunnah, qui est un livre écrit par le Cheikh Dr. Issam ibn Abdullah al-Sinani et qui a été relu et préfacé par le Cheikh Dr. Salih ibn Fawzan al-Fawzan, عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. Et on est toujours donc dans l'explication du point numéro 7 qui explique la question du fait qu'il est permis de prendre l'aide des kuffars quand il y a un bienfait dans ça pour les musulmans, dans le but de protéger les musulmans contre les kuffars ou bien contre un ennemi qui transgresse contre les musulmans. Et donc, on a mentionné les preuves de ceux qui sont contre au début. Et maintenant, on mentionne les preuves de ceux qui ont mentionné parmi les ulama que c'est permis, hein, dans les différents madhahib, avec les différentes adillas qu'ils ont ramenées. Et on est rendu maintenant à ramener la preuve numéro 8. La preuve numéro 8 à ce sujet. C'est le Cheikh, il dit, « Al-Thamin ». الدليل الثامن استعانة النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين في غزواته خاصة في يوم أحد روى البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم فنزلت فيما لكم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. نعم. Donc, le Cheikh explique que, comme preuve numéro 8, il y a que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris l'aide des munafiqines dans certaines de ses batailles, et en particulier le jour de Uhud, le prophète s'est rapporté selon Zayd ibn Thabit par al-Bukhari et Muslim, selon Zayd ibn Thabit, comme on a dit, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti le jour de Uhud, Un groupe d'entre les gens qui étaient avec lui sont revenus, c'est-à-dire ils sont repartis. Et il y avait deux groupes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui étaient en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient deux groupes. Un groupe qui disait on les combat, et un groupe qui disait on ne les combat pas, hein? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce sujet là le verset 88 dans sourate An-Nisa. verset 88, dans Sourate An-Nisa, qui était révélé à ce sujet-là. Qu'avez-vous à vous diviser en deux fractions ou en deux factions au sujet des hypocrites? L'opinion était divisée quant à savoir la façon de, d'agir envers eux. Certains voulaient adopter une attitude ferme et d'autres voulaient les ramener vers l'islam. Donc, c'est-à-dire que parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une division entre eux dans le sens que par rapport à la façon dont ils devaient agir envers ceux qui étaient retournés, c'est-à-dire ceux qui ne voulaient pas participer à la bataille et qui étaient revenus ou retournés sur leurs pas. Donc parmi les sahaba, il y en a qui disaient on va les combattre, c'est-à-dire ceux qui sont retournés derrière. Et il y en a d'autres parmi les sahaba qui ont dit non, on les combat pas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Hein, qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des munafiqines? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis. Que le fait qu'ils se soient retournés, en fait, c'était une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux et il a fait en sorte qu'ils se détournent de la bataille ce jour-là. وقال إنها طيبة. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à propos de la ville de Médine, qui s'appelle aussi Tiba, qu'on appelle Al-Madina, on l'appelle Tiba, qui veut dire que c'est la ville de la bonté, c'est la ville qui a du bien dedans, qui a du bon dedans, et elle expulse tout ce qui est mauvais d'elle-même, elle fait sortir d'elle-même tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché, de la même manière que le feu fait sortir toutes les impuretés qui sont dans le métal ou dans l'argent. Donc ça c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim également, dans le livre des caractéristiques des munafiqines et des règles au sujet des munafiqines. وروى ابن إسحاق بسند حسن مرسل قال حدثني محمد بن مسلم ابن عبيد الله الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كل قد حدثني بعض الحديث عن يوم أحد حتى قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس وقال أطاعهم وعصاني ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس ثم رجع بمن معه من قومه من أهل النفاق والريب واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أحد بني سلمة يقول يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ولكن لا نرى أنه يكون قتال فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانحراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله سيغني الله عنكم نبيه. Donc ça c'est ensuite c'est rapporté avec la chaîne de transmission il dit c'est rapporté par un nombre de rapporteurs et ils sont mentionnés par leur nom et d'autres également parmi les ulama qui ne sont pas mentionnés qui ont rapporté les événements qui se sont produits le jour de Uhud jusqu'à ce que ils disent par la suite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec 1000 d'entre ses compagnons jusqu'à ce qu'il soit arrivé à un endroit entre Médine et Uhud. Et à ce moment-là, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui était une des têtes des munafiqin, est reparti avec un tiers de l'armée. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils ont désobéi, et ils ont obéi à Abdullah ibn Ubay ibn Salul, et aux munafiqin, et ils m'ont désobéi. Hein? Et les munafiqin disaient, on ne sait pas pourquoi on va combattre ici, ô vous les hommes. Abdullah ibn Ubay ibn Salul a dit, on ne sait pas pourquoi on va combattre ici. Puis il est retourné, lui ainsi que des gens avec lui, parmi les gens de l'hypocrisie. Et Abdullah ibn Amr ibn Haram, un des gens de Bani Salama, ont suivi ce groupe-là et il s'est adressé à eux en leur disant, je vous rappelle d'Allah de ne pas abandonner votre prophète et votre peuple lorsque l'ennemi s'approche. Et ils ont répondu en disant, on ne sait pas qu'il y aura un combat ici et on ne voit pas qu'il va y avoir de combat. Donc ils ont persisté à désobéir à l'ordre et ils ont refusé, excepté de se détourner et de s'en aller. Alors, Abdullah ibn Amr ibn Haram, il a dit à ce moment-là que Allah vous éloigne, ennemi d'Allah. Allah va vous remplacer il va faire en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se passe de vous et qu'il soit sans aucun besoin de vous. Et ça, c'est rapporté dans la Sirah, comme c'est rapporté par Ibn Ishaq avec la chaîne de transmission qu'on a dit tout à l'heure. Et ensuite, il mentionne les paroles de l'imam al-Shafi'i. Il dit, « قال l'imam al-Shafi'i fil Umm, غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزا معه بعض من يعرف نفاقه فانخزل يوم أحد عنه ب300 ثم شهدوا معه يوم الخندق فتكلموا بما حكى الله عز وجل من قولهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق فشهدها معه عدد فتكلموا بما حكى الله تعالى عن قولهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وغير ذلك مما حكى الله عز وجل من نفاقهم ثم غزا غزوة تبوك فشهدها معه قوم منهم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه فوقاه الله عز وجل شرهم وتخلف آخرون منهم في من بحضرته ثم أنزل الله عز وجل في غزاة تبوك أو منصرفه عنها لو ولم يكن في تبوك قتال من أخبارهم فقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين قال الشافعي رحمه الله فأظهر الله عز وجل لرسوله أسرارهم وخبر السماعين لهم وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب والإرجاف والتخذيل لهم فأخبره أنه كره انبعاثهم وثبطهم إذ كانوا على هذه النية. أي نعم. Donc l'imam al-Shafi'i rapporte dans son livre Al-Umm, le volume 4 à la page 166, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu alors qu'il y avait avec lui des gens dont il connaissait l'hypocrisie. Et le jour de Uhud, ces hypocrites sont repartis. Et il y en avait environ 300. Puis, également, ils étaient présents également à la bataille de Al-Khandaq. Et ils ont mentionné, ou ils ont dit, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a cité à leur sujet, dans Surat Al-Ahzab, le verset 12. lorsqu'ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ne nous ont promis que de la tromperie. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils mentionnaient dans Surat Al-Ahzab, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala explique l'attitude de ces gens-là ce jour-là, lors de la bataille. Yawm al-Khandaq, on appelle le jour de la tranchée, lorsqu'ils ont creusé la tranchée et que plusieurs groupes d'entre les ennemis de l'islam se sont réunis pour combattre les musulmans. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 12, إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie, le doute au cœur disaient, Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Donc ça c'est un exemple. Ensuite, le cheikh dit, ensuite ils ont combattu. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu Bani al-Mustalaq. Et il y avait un nombre d'entre les munafiqines également qui ont assisté à cette bataille-là aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné des paroles à leur sujet également dans Surat al-Munafiqun, dans la Surat au sujet justement des hypocrites, dans le verset 8. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. Et ils disent, si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. Et le plus puissant, selon la prétention des hypocrites, c'était Ibn Ubay, Abdullah Ibn Ubay Ibn Salou, qui était la tête des hypocrites à Médine. Puis le plus humble pour eux, selon leurs prétentions, il s'agissait ici du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont prononcé cette parole là à ce moment là et donc d'autres exemples également que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné de la bouche a cité de la bouche des munafiqin, leurs paroles dans différentes batailles, de même que également la bataille de Tabouk, la bataille de Tabouk. Un groupe d'entre eux ont participé également, ils sont partis avec lui et ils se sont enfuis de lui la nuit de Al-Aqaba pour le tuer. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé de leur mal. Puis un groupe d'entre eux, sont restés derrière, c'est-à-dire sont restés à Médine, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses compagnons pour la bataille de Tabouk. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à propos de ceux qui sont partis dans la bataille de Tabouk, et à propos du fait que certains d'entre eux avaient été également détournés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis à la bataille, même si on sait qu'il n'y a pas eu de combat par la suite, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de la réalité de la situation de ces munafiqin. Et il mentionne justement le verset 46 dans Surat At-Tawba. Si vous lisez par exemple Surat At-Tawba, eh bien, il y a plein d'exemples des paroles des munafiqines dans cette surah. Elle clarifie beaucoup beaucoup de choses de la réalité de ces munafiqines tout au long de la surah. Donc, dans le verset 46, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجِ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Verset 46 donc, qui dit, et si ils avaient voulu partir au combat, ils lui auraient fait c'est-à-dire les munafiqoun, lui auraient fait des préparations, hein, des préparatifs, se seraient préparés pour y aller. Mais leur départ répugna à Allah subhanahu wa ta'ala et il les a rendus paresseux et il leur fut dit restez avec ceux qui restent. Hein, et donc, ça c'est un signe en même temps, et c'est une chose de ce verset qui nous fait comprendre en même temps que yani, lorsque quelqu'un yani, ne fait pas des préparations pour l'adoration d'Allah et qu'il devient paresseux, eh bien c'est en réalité parce que son adoration répugne à Allah subhanahu wa ta'ala, à cause justement de son manque de sincérité, à cause de son manque de sincérité. Et donc la personne qui agit de cette façon-là, elle doit se repentir à Allah, hein, et revoir son intention et sa sincérité. Parce que c'est une punition d'Allah. Hein. Lorsque quelqu'un s'éloigne de l'adoration d'Allah, il devient paresseux dans son adoration d'Allah, c'est une punition d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque quelqu'un remercie Allah et adore Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est en fait une récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala aussi, pour ce serviteur. Hein. Donc, plus quelqu'un est sincère envers Allah, et plus qu'il fait des efforts pour adorer Allah, eh bien, yani c'est une chose qui l'amène à faire encore plus de bonnes actions et Allah subhanahu wa ta'ala le récompense en lui permettant justement de faire plus de bonnes actions. Et les péchés, c'est le contraire. Lorsque quelqu'un fait des péchés, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, par la suite, il peut le punir justement en faisant en sorte que la personne devienne paresseuse dans ses bonnes actions et s'éloigne petit à petit du bien et des bonnes œuvres. Donc, il y a beaucoup d'explications comme ça qui ont été mentionnées par des ulama à propos de cette chose-là, yani, c'est très, très important à comprendre. Donc, Cheikh l'imam al-Shafi, il dit ici, rahimahullah, فأظهر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أسرارهم وخبر السماعين لهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait voir à son prophète, son messager صلى الله عليه وسلم, les secrets de ces hypocrites et les informations au sujet de ceux qui les écoutent, et également ibtira'uhum an yuftinu man ma'ahu, donc leur volonté également et le fait qu'ils cherchent à tenter, hein, et à éprouver ceux qui sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur donnant toutes sortes de mensonges, en leur disant toutes sortes de mensonges, en leur faisant peur et en les abandonnant face à la défense de la vérité, face au combat et à la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils essaient de leur faire peur, de leur dire « Ah, mais les kuffars, ils sont forts, les kuffars, ils vont faire ci, les kuffars, ils vont faire ça » pour décourager les croyants. Et beaucoup d'autres exemples de ce genre. Donc le cheikh, il dit « فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَرِهَمْ بِعَاثَهُ فَثَبَّتَهُمْ إذ كانوا على هذه النية وكان فيها ما دل على أن الله عز وجل أمر أن يمنع من عرف بما عرفوا به بأن يغزو مع المسلمين لأنه ضرر عليهم ثم زاد في تأكيد بيان ذلك بقوله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله أي نعم قرأ الربيع إلى الخالفين. Subhanallah. Donc le cheikh explique ensuite, l'imam al-Shafi'i il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe qu'il a détesté de les voir partir, hein, de les voir sortir avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, et donc il les a rendus paresseux, hein, et il les a fait rester à cause de leurs mauvaises intentions. Et il y a dans ça, yani, le cheikh il dit, il y a dans ça ce qui indique, ce qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala a empêché ceux qui ont été reconnus ou connus comme étant ces hypocrites-là, il les a empêchés de partir au combat avec les musulmans à cause du mal qu'ils représentent pour les croyants. Puis il a confirmé ça dans d'autres versets par la suite, comme le verset dans Sourate At-Tawba, verset 81, un peu plus loin, où il mentionne d'autres exemples de ça. Le verset 81 jusqu'au verset 83. Si on lit ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنما رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Qui signifie ceux qui ont été laissés derrière, laissés à l'arrière, se sont réjouis de pouvoir rester chez eux, à l'arrière du messager d'Allah. Et ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Et on dit, ne partez pas au combat dans une pareille chaleur, pendant cette chaleur. Parce que c'était l'été en plus, et il faisait chaud, et c'était une traversée à travers le désert. Et dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne aux croyants de dire, dit, le feu de l'enfer est plus intense en chaleur, s'ils comprenaient. Qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils ont acquis. Si Allah te ramène vers un groupe de ces gens-là et qu'ils te demandent la permission de partir au combat, alors dis, vous ne sortirez plus jamais en ma compagnie et vous ne combattrez plus jamais d'ennemis avec moi. Vous avez été content de rester chez vous la première fois, demeurez donc chez vous en compagnie de ceux qui se tiennent à l'arrière, en compagnie de ceux qui se tiennent à l'arrière, ici, c'est-à-dire, par exemple, les femmes, les enfants, les malades et les infirmes. Et donc, subhanallah, donc, ça c'est l'exemple qui a été mentionné à ce sujet-là, au sujet de ces gens-là. قال الشافعي رحمه الله فمن شهر بمثل ما وصف الله المنافقين لم يحل للإمام أن يدعه يغزو معه ولم يكن لو غزا معه أن يسهم له ولا يردخ لأنه ممن منع الله عز وجل أن يغزو مع المسلمين لطلبته فتنتهم وتخذيله إياهم وأن فيهم من يستمع له بالغفلة والقرابة والصداقة وأن هذا قد يكون أضر عليهم من كثير من عدوهم قال ولما نزل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخرج بهم أبدا وإذا حرم الله عز وجل أن يخرج بهم فلا سهم لهم ولو شهدوا القتال ولا ردخ ولا شيء لأنه لم يحرم أن يخرج بأحد غيرهم لم يحرم أن يخرج بأحد غيرهم انتهى كلامه. Donc l'imam al-Shafi'i rahimahullah, il a dit que toute personne qui est connue comme ayant les caractéristiques des munafiqines qu'Allah a décrit dans ce verset-là, il n'est pas permis aux dirigeants musulmans de les laisser partir à la bataille avec lui. Et s'ils partent à la bataille avec lui, même s'ils partent, ils ne peuvent pas recevoir une part de, du butin, et même pas de leur, on ne peut pas non plus leur donner un peu du butin non plus. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ou a empêché que ces gens, que ces gens-là partent au combat avec les musulmans, parce que ces gens-là veulent faire la fitna aux musulmans. Et ils veulent les décourager. Les décourager. Et les, yani, les appeler à la fitna. Donc, étant donné qu'ils agissent ainsi, il y a parmi les musulmans qui sont faibles, ou bien qui peuvent être proches d'eux par des liens de parenté ou par de l'amitié. Et s'ils les écoutent, c'est-à-dire s'ils écoutent ces gens-là qui ont ces problèmes, hein, qui ont du nifaq ou bien qui essaient de décourager les croyants et de, leur, de les éprouver, de leur faire de la fitna au, dans, durant la bataille, eh bien, yani, ils risquent de faire plus de tort aux musulmans que plusieurs de leurs ennemis. Hein? Et donc, lorsque ce verset-là a été révélé, l'imam Shafi'i dit, lorsque ce verset-là a été révélé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc il n'avait plus le droit de sortir avec ces gens-là par la suite. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de sortir avec eux, et donc ils n'ont pas le droit d'avoir une part du butin, même s'ils ont assisté ou participé à la bataille, et on ne peut même pas non plus leur donner un peu du butin, hein, ou leur donner quoi que ce soit, parce que c'est interdit pour eux de sortir, et personne d'autre a été interdit de sortir avec eux, avec les musulmans, excepté eux. Fin de la citation. قال الصنعاني في سبل السلام ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا لاستعانته صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي وأصحابه انتهى كلامه ونقل الإجماع كذلك الشوكاني في نيل الأوطار ثم لننظر لموقف القرآن من دعوتهم إلى القتال مع المسلمين. Donc, le cheikh il mentionne ensuite les paroles de l'imam As-San'ani dans Sourd al-Salam, le volume 4, à la page 1346. Il dit, il est permis de prendre l'aide du munafiq selon le consensus, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'aide de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et de ses compagnons. Fin de la citation. Et également, il a été rapporté selon le consensus également. Donc, ce consensus a été rapporté également par l'imam Ash-Shawkani dans Nail al-Awtar, le volume 8, à la page 44. Il dit, regardons, il dit ensuite, regardons la position du Coran dans le rappel, dans le fait de les appeler au combat avec les musulmans. Il mentionne donc certains versets dans le Coran où il y a l'appel au combat pour ces gens-là aussi. On va lire donc le premier verset qui est mentionné, c'est le verset 167 dans Sourate Al-Imran. Le verset 167 dans Sourate Al-Imran. Donc le cheikh il cite ce verset وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Le verset qui signifie et qu'il distingue les hypocrites, hein, le verset qui est avant, et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par la permission d'Allah, afin qu'il distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah ou repousser l'ennemi. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivrions si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. Donc, à propos de ce verset, le cheikh, il mentionne le tafsir des ulama. Imam al-Tabari, il mentionne dans son tafsir, يعني تعالى ذكره بذلك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وأصحابه الذين رجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه حين سار نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في أحد لقتالهم فقال لهم المسلمون تعالوا قاتلوا المشركين معنا أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا بتكثيركم سوادنا فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم إليهم ولكننا معكم عليهم ولكن لا نرى أن يكون بينكم وبين القوم قتال فأبدوا من نفاق أنفسهم ما كانوا يكتمونه وأبدوا بألسنتهم بقولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم غير ما كانوا يكتمونه ويخفونه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان. انتهى كلامه. Donc l'imam al-Tabari mentionne dans son tafsir, volume 4 à la page 110, ici que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle ici dans ce verset de Ibn Ubay, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, l'hypocrite, et de ses alliés, ceux qui étaient avec lui, qui le suivaient et qui sont revenus, hein, c'est-à-dire qui ont quitté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à la rencontre des mushrikines, à la bataille de Uhud, pour les combattre. Alors les musulmans ont dit aux munafiqines, venez combattre les mushrikines avec nous, et sinon, venez les repousser en augmentant notre nombre. Et ils ont répondu en disant, si nous savions que vous alliez combattre, hein, nous serions venus avec vous, mais on est avec vous contre eux, mais on ne voit pas que il y aura de combat ou de guerre entre vous et ces gens-là. Donc ils ont montré de leur hypocrisie le contraire de ce qu'ils cachaient. Et ils ont montré par leur langue le contraire de ce qu'il y avait dans leur cœur. Et ils ont dit, si nous savions qu'il y avait un combat ici, nous vous aurions suivi. Donc ils ont montré par leur langue le contraire de ce qu'ils cachaient dans leur cœur, de ce qu'ils avaient comme animosité contre le messager d'Allah et contre les gens de la foi. Fin de la citation. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Al-Qurtubi dans son tafsir Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, le volume 4 à la page 266. Il dit « وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ إِلَىٰ أَنَّ قَوْلَ عَبْدُ اللَّهِ ابن عمر أَوْ يَدْفَعُوا إنما هو استدعاء إلى القتال حمية لأنه استدعاهم إلى القتال في سبيل الله وهي أن تكون كلمة الله هي العليا فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك عرض عليهم الوجه الذي يحشمهم ويبعث الأنفة أي أو قاتلوا دفاعا عن الجور عن الحوزة ألا ترى أن قزمان قال والله ما قتلت إلا عن أحساب قومي وألا ترى أن بعض الأنصار قال يوم أحد لما رأى قريشا قد أرسلت الظهر في زروع قناة أترعى زروع بني قيلة ولما نضارب والمعنى إن لم تقاتلوا في سبيل الله فقاتلوا دفعا عن أنفسكم وحريمكم. انتهى كلامه. Donc l'imam Al-Qurtubi il dit ici dans le Jami'a de l'Ahkam Al-Qur'an, son tafsir, le volume 4, la page 266, il dit que certains parmi les savants de tafsir, ils ont mentionné au sujet de la parole d'Abdullah ibn Amr ibn Haram, qu'on avait mentionné plus tôt, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne sa parole dans le verset 167, hein, c'est-à-dire « Venez combattre dans le sentier d'Allah » ou bien « Venez pour les repousser, hein, pour, ou bien pour augmenter notre nombre. » Eh bien, ici, le cheikh dit que « ça veut dire qu'il les appelle à combattre par la fierté. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas prêt à combattre dans le sentier d'Allah, pour que la parole d'Allah soit la plus haute, alors au moins, dans ce cas-là, venez, hein, il leur présente, il leur donne le choix en disant que si vous n'allez pas combattre pour ça, il leur demande donc, dans ce cas-là, venez combattre pour quelque chose dans le but de les appeler à y aller, d'avoir honte de rester derrière. C'est-à-dire, il les appelle par quelque chose qui va leur amener un sens de gêne ou de honte. C'est-à-dire, venez au moins défendre votre terre, venez au moins défendre, hein, votre pays, votre peuple. Et c'est comme lorsque Ramzan il a dit, par Allah je n'ai pas combattu excepté pour la fierté de mon peuple ou bien pour mes liens de parenté avec mon peuple. Et il dit, ne voyez-vous pas que certains des Ansar, le jour de Uhud, ils ont combattu lorsqu'ils ont vu Quraysh envoyer des... ils ont vu Quraysh venir, c'est comme s'ils ont dit, ben, dans ce cas-là, on va défendre nos personnes et nos femmes, nos familles. Donc ça, c'est pour dire... qu'il leur disait, soit que vous venez pour combattre dans le sentier d'Allah, et ça c'est ça l'idéal, et c'est ça qui va vous donner la récompense au jour de la résurrection. Mais si vous êtes pas vous voulez pas venir pour ça, au moins vous venez pour l'autre exemple, c'est-à-dire au moins par fierté pour venir défendre votre terre. Hein, ça c'est la moindre des choses. Et il dit ensuite, وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تيسير الكريم الرحمن لما أمروا بالقتال وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أي ذبا عن دين الله وحماية له وطلبا لمرضات الله أو ادفعوا عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحة فأبوا ذلك واعتذروا بأن قالوا لو نعلم قتالا نتبعناكم أي لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم وهم كذبة في هذا حتى قال رحمه الله ويستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين فإن لم يفعلوا للمدافعة فللمدافعة عن العيال والأوطان. انتهى كلامه. لو الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله il explique dans son tafsir تيسير الكريم الرحمن à propos de ce verset, le verset 167 dans sourate Al-Imran, il dit lorsque Allah a ordonné le combat, hein, il a dit et on leur a dit venez combattre dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire pour défendre la religion d'Allah et pour protéger la religion et dans le but de chercher l'agrément d'Allah, ou bien ça veut dire ou bien pour défendre, hein, vos territoires, vos terres, hein, pour protéger ce que vous avez, vos familles. Hein. C'est-à-dire, si vous n'avez pas une bonne intention, une intention que ce soit uniquement de combattre pour la cause d'Allah, pour élever la parole d'Allah, eh bien, dans ce cas-là, yani, au moins vous allez venir pour défendre vos terres, défendre votre bien, défendre vos propriétés, défendre votre honneur, défendre vos familles. Mais malgré tout, ils ont refusé les deux. Ils ont refusé de combattre pour élever la parole d'Allah et même pour défendre leur terre. Donc ils ont refusé et ils ont cherché une excuse en disant, si on savait qu'il y allait avoir un combat, on vous aurait suivi. Hein? Et le cheikh, il dit, c'est-à-dire qu'il prétend que il serait venu s'il y avait réellement un combat entre vous et eux, c'est-à-dire vous, les musulmans, et eux, les mouchriquins. Donc, on serait venu combattre avec vous. Et le cheikh, il dit, et il ment en disant cela. Et il ment en disant cela. Jusqu'à ce que le cheikh, l'imam Sa'di, il dise par la suite, et on peut utiliser même ce verset pour supporter la règle, une des règles de la charia qui dit qu'on peut, on prend les quand on a le choix entre deux mâles, on prend la moindre des deux pour repousser la plus grande. On prend le moindre des deux mâles pour repousser le plus grand mâle. Et également qu'on fait yani, le bien qui est le plus bas lorsqu'on n'est pas capable de faire le plus grand des deux biens. Si on a le choix entre le faire deux biens, un qui est grand et un qui est moins grand, eh bien on fait celui qui est moins grand dans le cas où on est incapable de faire le plus grand. On ne va pas dire par exemple on va rien faire puisque on peut pas faire le plus grand des deux biens, donc on va rien faire. Donc tu fais le moindre des deux dans ce cas-là. Et ça c'est prouvé par le fait que lorsque les munafiqin ont été appelés à combattre dans le sentier d'Allah pour élever la parole d'Allah et pour protéger la religion et qu'ils ont refusé, eh bien on leur a donné le choix par la suite de combattre pour défendre les enfants et pour défendre leur terre. Donc ça, c'est un exemple de la preuve par rapport à cette règle. Fin de la citation. Un autre exemple de verset aussi qui montre que les munafiqins avaient été aussi appelés au combat, c'est le verset 49 et 50 dans Surat At-Tawbah. 49 et 50 dans Surat At-Tawbah, le verset dans lequel Allah dit: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل وتولوا وهم فرحون. Donc ça, c'est les versets, comme on dit, 49 et 50 dans Surat At-Tawbah, qui signifie parmi eux, il y en a qui ont dit, donne-moi la permission de rester et ne me mets pas dans la tentation. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. Hein? L'enfer est tout autour des mécréants. Qu'un bonheur t'atteigne, ça les afflige. Et que t'atteigne un malheur, ils disent heureusement que nous avions pris d'avance nos précautions. Et ils se détournent en exultant. C'est-à-dire, ils se détournent en se réjouissant. Donc ça, c'est la description de certains d'entre les munafiqis. L'imam Ibn Kathir, il dit à propos de ce verset-là, « قال Ibn Kathir » في تفسير القرآن العظيم يقول تعالى ومن المنافقين من يقول لك يا محمد ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك بسبب الجوار من نساء الروم قال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا أي قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا كما قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله ابن أبي بكر وعاصم ابن قتادة وغيرهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد لجد ابن قيس أخي بن سلمة هل لك يا جد العام في جلاد بن الأصفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تأذن لي ولا تفتني فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك ففي الجد ابن قيس نزلت هذه ومنهم من يقول ائذن لي الآية أي إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم انتهى كلامه. Donc ici l'imam Ibn Kathir il rapporte l'explication de ce verset, le verset 49 dans Surat At-Tawbah. Il explique dans son tafsir, le volume 2, à la page 346, Allah il dit « Et parmi les munafiqoun, il y en a qui te disent « Ô Muhammad, donne-moi la permission de rester et ne me mets pas dans la tentation en sortant avec toi à cause des femmes, des jeunes femmes des Romains. » À cause des jeunes femmes, des Romains. Parce qu'il avait la fitna pour les femmes, et en particulier les femmes des Romains. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu en disant, voilà, n'est-ce pas dans la fitna qu'il vient de tomber. En disant ça, c'est là qu'il est tombé dans la fitna. Et donc, Allah fait le fitna qui saqatou. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. Et le Cheikh il rapporte donc selon Muhammad ibn Ishaq et Az-Zuhri et Yazid ibn Rouman et Abdullah ibn Abi Bakr et Asim ibn Qutada et d'autres également, ils ont rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, alors qu'il se préparait, il a dit à Al-Jadd ibn Qais, le frère de Bani Salama, donc il disait, est-ce que t'es prêt, halaka ya jadd al-am min jal fi jallad bani al-asfar. C'est comme si il lui demande donc, est-ce que il va venir participer au combat pour combattre les Romains avec lui. Et Jad ibn Qais il a répondu en disant, ô messager d'Allah, est-ce que tu me permets de ne pas y aller, est-ce que tu me donnes la permission de ne pas partir, et donc permets-moi de ne pas partir et ne me tente pas ou ne me mets pas dans la tentation, dans la fitna. Parce que, il a dit, je jure par Allah que mon peuple le sait que je suis un homme qui aime beaucoup les femmes. Il n'y a pas un homme qui aime les femmes plus que moi. Et je crains que si je vois les femmes des Romains, je ne serai pas capable de me retenir d'elles. Et alors, à ce moment-là, le messager d'Allah s'est détourné de lui. Et il a dit, je te permets, je te donne la permission de rester. Et c'est à propos donc de Al-Jadd ibn Qays que le verset suivant, le verset 49, dans Surat At-Tawba, a été révélé. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et parmi eux, il y en a qui disent, permets-moi de rester, ne me mets pas dans la tentation, ne me mets pas dans la fitna. Hein? Et donc, le cheikh, l'imam Ibn Kathir, il dit donc que, c'est-à-dire que, il craignait plus les femmes des Romains que de tomber dans la fitna de la désobéissance et de rester derrière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hein, il préférait sa personne à la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la fin de la citation. Ici. Donc c'est un exemple qui explique ce verset. Après, le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam As-Sa'di aussi à ce sujet-là. Il dit, وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ مَنْ يَسْتَعْذِنُ فِي التَّخَلُّفِ وَيَعْتَذِرُ بِعُذْرٍ آخَرْ عَجِيبٍ فيقول إذن لي في التخلف ولا تفتني في الخروج فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن وكما قال ذلك الجد بن قيس ومقصده قبحه الله الرياء والنفاق بأن مقصودي مقصود حسن فإن في خروجي فتنة وتعرضا للشر وفي عدم خروجي عافية وكفا عن الشر قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول ألا في الفتنة سقطوا فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده فإن في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة وهي معصية الله ومعصية رسوله والتجرؤ على الإثم الكبير والوزر العظيم وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف وهي متوهمة مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير وكان قد قال رحمه الله قبلها بيسير فثبتهم قدرا وقضاء قدرا وقضاء وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين من النساء والمعذورين انتهى كلامه. Donc le cheikh l'imam al-Sa'di, il dit ici, ces hypocrites, ils demandaient la permission. Hein, parmi ces hypocrites, il y en avait qui demandaient la permission de rester derrière, de ne pas aller au combat. Et il y en a parmi eux en particulier qui demandaient pour des excuses vraiment étranges. Comme celui qui a dit, permets-moi de rester derrière. Et ne me tente pas, ne me mets pas dans la tentation de sortir, parce que si je sors et que je vois les femmes, les femmes blanches, les femmes des Romains, je ne pourrais pas me retenir de ces femmes. Et c'était dit par Al-Jadd ibn Qays. Et ce qu'il veut dire par là, c'est... Il dit ça par ostentation et par hypocrisie, parce que ce qu'il veut dire, c'est qu'il essaie de montrer qu'il a une bonne intention, hein, parce qu'il prétend que la chose qui l'empêche de sortir, c'est pour pas être présenté à la fitna et pour pas être présenté au mal, et pour essayer de montrer que dans le fait de ne pas sortir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans cela une protection ou le fait d'être épargné du mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié son mensonge dans cette parole lorsqu'il a mentionné que c'est maintenant qu'il est tombé dans la fitna. Ala fil fitnati saqatu. Hein? Et ça, c'est si on suppose qu'il avait dit la vérité, hein, que cette personne-là avait dit la vérité dans son intention. Parce que dans le fait de rester derrière, il y a un plus grand mal que dans le fait de rester derrière, il y a un plus grand mal et une fitna encore plus grande et qui est certaine. C'est pas comme la fitna que lui il craignait, qui était hypothétique, hein, qui était peut-être, qui allait peut-être être présente, hein. Mais là, c'était une fitna qui était réelle, c'est-à-dire la fitna de désobéir à Allah et de désobéir à son messager, hein, et l'affront de faire un grand péché, hein, et d'avoir un poids, le poids de ce péché-là. Tandis que dans le fait de sortir avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si son excuse était réelle, et qu'il était véridique quand il a prétendu cette chose-là, eh bien, il faut savoir que le méfait qu'il craignait est petit par rapport à le fait de rester derrière, hein, et de ne pas partir au combat. Et en plus, c'est quelque chose qui est probablement illusoire, c'est-à-dire peut-être que c'est quelque chose qui ne va même pas être yani présent, qui ne va même pas se présenter, cette soi-disant fitna des femmes. Dans cette histoire, il dit وَمَعَ أَنَّ هَذَا الْقَائِلِ قَصْدُهُ التَّخَلُّفُ لَا غَيْرَ. Donc la réalité, c'est que cette personne, la seule raison pour laquelle il a mentionné cet exemple là c'est juste parce qu'il ne voulait pas partir au combat. Et وَقَدْ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ. Donc l'imam Ibn Sa'di il mentionne justement, juste avant ça, dans le tafsir de l'autre verset, فَثَبَّطَهُمْ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus lourds et paresseux. Et ça, c'est parce qu'il avait prédestiné et décrété, hein, à cause de leur péché. Et yani, il dit وَقَدْ أَمَرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ. Donc, malgré qu'il les avait ordonné et encouragé de sortir, hein, et qu'il leur avait donné la capacité, Allah les avait appelés à sortir, il les a encouragés à sortir avec le messager d'Allah, et ils avaient la capacité physique, hein, de le faire. Mais Allah, par sa sagesse, il a voulu, hein, il n'a pas voulu les aider à sortir, et il les a rendus paresseux. Et il a fait en sorte qu'ils restent derrière, et on leur a dit, restez derrière avec ceux qui restent, c'est-à-dire avec les femmes et avec les gens qui sont excusés par rapport à leur infirmité ou parce qu'ils sont aveugles ou autres. Fin de la citation. Donc c'était pour dire que même les munafiqoun étaient appelés à partir au combat, mais ils ont refusé. Et certains, par la suite, même quand ils sont partis, donc on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite. Donc c'est pour dire que si eux, ils ont le droit, ou ils étaient appelés à partir au combat, alors qu'on sait que les hypocrites, ce sont des koufars, hein, et même qu'ils sont plus bas dans l'enfer que les koufars, puisque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à leur sujet qu'ils seront dans le niveau le plus bas de l'enfer, eh bien, ça c'est la preuve, hein, qu'on a le droit de prendre l'aide des koufars dans le combat. Ensuite, la preuve numéro 9, le shaykh il dit الدليل التاسع وهو فرع من الذي قبله قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قاله صلى الله عليه وسلم لرجل من المنافقين فقاتل الكفار قتالا شديدا وكان يخبر صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبنحوه عن سهل بن سعد رضي الله عنه. Donc le point numéro 9, la preuve numéro 9, c'est une partie de ce qu'on vient de mentionner dans les points précédents. Le cheikh, il mentionne une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit que Allah va défendre sa religion ou supporter sa religion même par l'homme pervers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette parole à propos d'un homme parmi les munafiqines qui combattait les kuffars très fortement. Il les combattait avec beaucoup de force. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet qu'il serait parmi les gens du feu. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui prétendait l'islam et il a dit à son sujet qu'il sera parmi les gens du feu, les gens de l'enfer. Et lorsqu'il est arrivé à la bataille, lorsque la bataille a commencé, l'homme est rentré dans la bataille et il a commencé à combattre avec force jusqu'à ce qu'il soit frappé d'une blessure. Et il n'a pas été capable de supporter cette blessure, alors il s'est tué. Il s'est tué lui-même. Alors, on a informé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet-là, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allahu Akbar, je témoigne que je suis le serviteur et le messager d'Allah. Puis, il a ordonné à Bilal d'appeler les gens. Et donc, il s'est adressé aux gens en leur disant que seule une âme soumise, une âme musulmane entrera au paradis et Allah va supporter cette religion même par un homme pervers, va défendre cette religion, va supporter cette religion par l'homme pervers. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit ensuite que ça a été rapporté, un hadith semblable a été rapporté selon Sahel ابن سعد رضي الله عنه وروى الطبراني وأبو نعيم من طريقه بإسناد حسنه ابن حجر في الإصابة والهيثمي في مجمع الزوائد عن أكثم ابن أبي الجون قال قلنا يا رسول الله فلان يجري لفظ الإصابة يعني لجري وفي الفتح يجزئ وهو لفظ أبي نعيم في القتال قال هو في النار قال قلنا يا رسول الله إذا قال إذا كان فلان من عبادته واجتهاده ولين جانبه في النار فأين نحن قال إنما ذلك إخبات النفاق وهو في النار وذكر باقي القصة وأخرج الحديث الخطيب البغدادي من طريق سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه في الأسماء المبهمة وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات من طريق أبي هريرة وبينا أن هذا الرجل بينا أن هذا الرجل المبهم في الحديث هو أحد المنافقين يدعى قزمان. قزمان أي نعم. وثم أسند عن ابن إسحاق قال فحدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه لمن أهل النار. فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا حتى قتل بضعة نفر من المشركين فأثبتته الجراحات الجروحات فحمل إلى دار بني ظفر. فقال له رجال من المسلمين أبشر يا قزمان فقد ابتليت اليوم وقد أصابك ما ترى في الله. قال بماذا أبشر؟ فوالله ما قاتلت إلا حمية عن قومي. فلما اشتدت به جراحاته وآذته أخذ سهما من كنانته فقطع به رواشها يد فقطع به رواهش يده فقتل نفسه. يعني هي أعصاب في باطن الذراع أحدها راهش. Et نعم. Donc ici c'est rapporté par également par Tabarani et Abu Nu'aym avec une chaîne de transmission qui est bonne, comme l'a dit Ibn Hajar dans Al-Isaba et Al-Haythami dans Majma' al-Zawa'id. Selon Aktham ibn Abil Jawn, il a dit, nous avons dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un tel il a de l'affront dans le combat, il n'a pas peur. Et ça a été rapporté avec plusieurs noms, pas plusieurs noms mais plusieurs termes, la Jari Yudzi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était sans peur dans la bataille, qui était au devant de l'ennemi et ainsi de suite, et il combattait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, il est parmi les gens du feu, il est dans le feu. Et on a dit au messager d'Allah, si lui est dans le feu avec toute son adoration et ses efforts, où est-ce que nous, c'est-à-dire nous on va être où, on est où dans ce cas-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est uniquement de l'hypocrisie, il est dans le feu. Et il a mentionné le reste de l'histoire, comme on a mentionné tout à l'heure. Puis l'imam Al-Khatib Al-Baghdadi, il a mentionné selon Sahl ibn Sa'd, et dans son livre Al-Asma Al-Mubhama, et également Ibn Shakwal dans son livre Al-Rawamid Wal-Mubhamat, selon Abi Huraira, ils ont expliqué que cet homme qui n'avait pas été nommé était en réalité un parmi les munafiqines qu'on appelait Qazman. Et il dit que ça a été rapporté avec l'isnad. Tous les deux ils ont mentionné l'isnad selon Ibn Ishaq dans sa sira, et il explique que comme l'a dit Asim ibn Amr ابن عمر ابن قتادة كل مساجد الله صلى الله عليه وسلم avait dit il sera parmi les gens de l'enfer, c'est-à-dire que lorsque est venu le jour de Uhud, il a combattu très fortement, jusqu'à ce qu'il tue un nombre d'entre les mouchriquins. Et il a été arrêté par des blessures qu'il a reçues. Il a été ramené jusqu'à la maison de Bani Zufr. Puis, des gens parmi les musulmans lui ont dit, réjouis-toi, ô Qazman, parce que tu as été aujourd'hui éprouvé, par ce que tu vois, Allah, et tu as, reçu comme blessures, des choses. Donc, réjouis-toi, parce que c'est dans le sentier d'Allah que tu as reçu ces blessures-là. Et il a répondu, Qazman, il a répondu en disant, pourquoi, de quoi vous m'annoncez, pourquoi vous me dites de me réjouir, qu'est-ce que vous me dites de, à propos de quoi me dites-vous de me réjouir? Je jure par Allah que je n'ai combattu que par fierté pour mon peuple. Et lorsque les blessures sont devenues trop lourdes pour lui, et qu'il ne pouvait plus supporter la douleur, il a pris une des flèches de les flèches qu'il avait, et il s'est ouvert les veines du bras avec. Et il s'est tué de cette façon. وَاَعْتَمَدَ كُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَ عَلَى تَسْمِيَةِ هَذَا الرَّجُلِ بِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقِ وَإِنْ اِخْتَلَفُوا هَلِ الْقِصَّةِ فِي الْحَدِيثَيْنِ وَاحِدَةٌ أَوْ لِرَجُلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وهل وقعت في أحد أو في خيبر أو تعددت فيهما. نعم. Donc le cheikh il mentionne que les gens se sont basés sur ce qui a été dit ici pour nommer la personne Qazman selon ce que Ibn Ishaq avait rapporté, puis ils ont divergé par la suite au sujet de l'histoire. Est-ce que les deux hadiths parlent de la même personne ou bien c'est deux hommes différents, et est-ce que c'est quelque chose qui s'était produit à la bataille de Uhud ou de Khaybar, ou bien que ça s'était reproduit plusieurs fois. Et il cite ensuite les paroles de l'imam al-Tabari dans son tafsir, وكان قتادة وابن جريج يتأولان قوله يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت بأن ذلك من الله جل ثناؤه صفة للمنافقين بالهلع وضعف القلوب وكراهية الموت ويتأولان في ذلك قوله يحسبون كل صيحة عليهم وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قال وذلك أنه قد كان فيهم من لا تنكر شجاعته ولا تدفع بسالته كقزمان الذي لم يقم مقامه أحد من المؤمنين بأحد أو دونه، وإنما كانت كراهتهم شهود المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم معاونته على أعدائه لأنهم لم يكونوا في أديانهم مستبصرين ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقين فكانوا للحضور معه مشاهده كارهين إلا بالتخذيل عنه. انتهى كلامه. وذلك أنه قد كان فيهم من لا تنكر شجاعته ولا تدفع بسالته كقزمان الذي لم يقم مقامه أحد من المؤمنين بأحد أو دونه، وإنما كانت كراهتهم شهود المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم عونته على أعدائه. Donc il cite ici les paroles de l'imam al-Tabari dans son tafsir, volume 1, la page 122. Donc il mentionne les paroles de, il dit que Qatada ibn Jurayj, les deux ont interprété le verset 19 dans surat al-Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles par crainte des éclairs. Par crainte de la foudre, et par crainte de la mort. Le cheikh il explique, il dit que parce qu'il dit que cela fait, c'est un exemple que Allah donne à propos des caractéristiques des hypocrites, qu'ils ont peur et qu'ils ont le cœur faible. Et il mentionne ensuite, il dit qu'il déteste la mort. Hein? Et tous les deux, c'est-à-dire Qatada et Ibn Jurayj, ils mentionnaient donc l'explication du verset 4 dans Surat al-Munafiqun. Ils croient que tous les cris sont dirigés contre eux. Ils mentionnaient donc ça comme étant des exemples des caractéristiques des Munafiqun. Et l'imam al-Tabari, il dit que selon moi, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas comme ils ont dit tous les deux, puisqu'il y a parmi les Munafiqin certains d'entre eux qui étaient courageux, hein, comme Qazman. Donc, il donne cet exemple-là. Donc, c'est un exemple. Et après, il dit. Donc. قال ابن الجوزي في كشف المشكل في شرح مسند سهل بن سعد رضي الله عنه يلتي هذه القصة جرت يوم أحد وهذا الرجل اسمه قزمان وهو معدود في جملة المنافقين وجعل يدخل في وسط المشركين حتى يقال قد قتل ثم يخرج ويقول أنا الغلام الظفري حتى قتل سبعة وأصابته جراحة فمر به قتادة بن نعمان فقال له هنيئا لك الشهادة فقال إني والله ما قتلت على دين ما قتلت على دين ما قتلت إلا على الحفاظ ألا تسير قريش إليها حتى تطأ سعفتنا ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر انتهى كلامه. Donc Ibn al-Jawzi rapporte cette histoire aussi dans son livre كشف المشكل أو المشكل. C'est le volume 2 à la page 272 dans l'explication de la musnad de Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu. Il dit que l'histoire est arrivée le jour de Uhud et cet homme s'appelait Qazman et il était compté parmi les munafiqin et il est rentré dans le milieu des mushrikin, hein, il est rentré en plein milieu des mushrikin à un point tel que les gens ont dit ça y est, il s'est fait tuer. Puis il est ressorti, hein, en disant « Ana al-Ghulam al-Zafari » pour montrer qu'il est fort, il est rentré dans les ennemis et il est ressorti vivant et il en a tué plus que sept parmi les mushrikines. Il a tué beaucoup de mushrikines. Ensuite il a été frappé, il a été blessé. Et Qatada ibn Nu'man est passé près de lui et il lui a souhaité le martyr, c'est-à-dire il lui a souhaité de mourir martyr. Il a dit bravo, félicitations pour toi pour le fait que tu es martyr, tu vas être martyr. Et il lui a dit, moi par Allah je n'ai pas combattu pour la religion, j'ai combattu seulement pour préserver ma terre ou mon pays, hein, pour pas que Quraysh prenne ma terre et pour pas qu'il gagne. Puis il s'est tué lui-même par la suite et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite, Allah va même supporter ou défendre sa religion par l'homme pervers. Fin de la citation. L'imam ibn Hajar al-Asqalani, il dit dans Al-Isada, Qazman ibn al-Harith حليف بني ظفر صاحب القصة يوم أحد قيل مات كافرا فإن في بعض الطرق قصته أنه صرح بالكفر وهذا مبني على أن القصة واحدة ووقعت لواحد وقيل إنها تعددت وقال ابن قتيبة في المعارف قتل نفسه وكان منافقا وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وذكر ابن إسحاق والواقدي قصته وأنه كان عزيزا في بني ظفر وكان لا يدري من أين أصله وكان لا يدري من أين أصله وقال الواقدي وكان حافظا لبني ظفر ومحبا لهم وكان مقلا لا ولد له ولا زوجة وكان شجاعا يعرف بذلك في حروبهم التي كانت بين الأوس والخزرج فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا فقتل ستة أو سبعة حتى أصابته الجراحة قيل له هنيئا لك بالجنة يا أبا الغداق قال جنة جنة من حرمل والله ما قتلنا إلا على الأحساب انتهى كلامه. Donc il rapporte encore Ibn Hajar dans Al-Isaba, le volume 3, la page 226, encore la même histoire à propos de Qazman ibn Harith. Il mentionne que c'était quelqu'un qui était allié avec Bani Zufur en Zafr. Et c'est lui dont on raconte l'histoire à propos de la bataille de Uhud. Il est mort mécréant, selon certains. Il avait dit des paroles de pouf avant de mourir. Et ça, si c'est la même histoire, ou bien si c'est une histoire qui s'est reproduite plusieurs fois. Ensuite, il dit que Ibn Qutayba, il mentionne dans Al-Ma'arif qu'il s'est tué lui-même et qu'il était hypocrite. Il dit, Wafihi, et c'est à son sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la parole, que Allah va défendre sa religion, même par l'homme pervers. Et Ibn Ishaq et Al-Waqidi ont mentionné l'histoire. Donc, ils ont mentionné qu'il était courageux quand il y avait les guerres avant l'islam, il était courageux même dans ce cas-là, à cette époque-là, et il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Donc, c'est presque la même chose. Puis à la fin, il s'est tué lui-même, et quand on lui a dit, comme par exemple, que puisqu'il était mort dans le djihad, on lui disait félicitations pour toi, puisque tu seras au paradis, et lui, il a répondu en disant qu'il avait combattu seulement par rapport à la fierté, et non pas pour la religion. Donc on sait que si quelqu'un ne combat pas pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, il n'est pas martyr. Aujourd'hui, n'importe quelle bataille, même les gens qui sont morts dans des manifestations, des révolutions dans certains pays arabes, les gens qui sont morts dans ces choses-là, les gens disent « Ah, ce sont des martyrs ». Et il y a même des endroits où des choses comme ça se sont produites, et après la révolution, ils ont appelé ces endroits-là la place des martyrs, alors que c'était même pas pour élever la parole d'Allah. Donc, c'était pas un combat pour élever la parole d'Allah. Donc, dans ce cas-là, c'est pas des martyrs. Mais les gens utilisent le terme martyr pour l'appliquer. Même des kuffars entre eux, ils se donnent parfois le titre de martyr lorsqu'ils sont morts pour une cause. Même si c'est une cause qui est kuffr ou shirk ou autre. Il y en a parmi les choses qui opposent la foi. Donc c'est pour dire que le terme donc de shahada, ça doit s'appliquer par rapport à qu'est-ce que Allah a révélé et non pas selon les désirs ou les passions des gens. Il y a encore deux autres exemples à lire, donc on va les lire puis on va s'arrêter tout de suite après, inshallah. Donc le cheikh dit wa qala al hafidh aidan fi sharh hadith Abi Hurayra fi hadi al-Sari حديث أبي هريرة في الرجل الذي قاتل قتالا شديدا أنه من أهل النار تقدم أنه قزمان وأن الذي قال قتل يا رسول الله وهو أكثم ابن أبي الجون الخزاعي وقال أيضا في شرح حديث سهل رضي الله عنه في هدي الساري حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة تقدم أنه قزمان والذي قال أن أنا صاحبه حتى عرف مآله إليه ما آل إليه أمره وهو أكتم بن أبي الجون وقد تقدم ذلك. أي نعم. قلت ولذلك احتاج المخالفون للجمع بين هذا الحديث وحديث المنع. قلت ولذلك احتاج المخالفون للجمع بين هذا الحديث وحديث المنع. قال الشوكاني في نيل الأوطار ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين أن قزمان خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين حتى قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأزر هذا الدين بالرجل الفاجر كما ثبت ذلك عند أهل السير. انتهى كلامه. Donc l'imam Ibn Hajar il mentionne dans son livre dans l'introduction du Sharh de Sahih al-Bukhari Hadith Sari, il parle du hadith de Abi Huraira et de Sahl ibn Sa'd. Il mentionne يعني قزمان que c'était lui qui était dans le hadith. Donc il mentionne que c'était lui qui était dans le hadith mentionné au sujet de l'homme qui combattait fortement dans la bataille. Ensuite il dit donc c'est ça, et l'homme qui l'avait suivi, il y a un homme qui l'a suivi dans le combat parce qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire de lui qu'il sera en enfer, donc il a dit je vais le suivre, hein? Et il l'a suivi jusqu'à ce qu'il voit sa conclusion que il s'est suicidé par la suite, il s'est tué lui-même, et donc il est retourné voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer. Donc ça c'est qu'est-ce que l'imam Ibn Hajar mentionne ici. Il dit, et c'est pour ça que les gens qui s'opposent, et donc c'est ça, et le hadith qui mentionne l'interdiction de prendre l'aide des mouchriquines et le hadith qui ici qui montre que Qazman il a combattu avec le messager d'Allah, donc les ulama qui mentionnent que c'est permis de prendre l'aide des mouchriquines et pas dans le combat, ils mentionnent ce hadith là comme preuve, hein? Ils mentionnent ce hadith là comme preuve. Et il cite l'imam al-Shawkani dans Nail al-Autar, le volume 8, à la page 44, lorsque l'imam al-Shawkani dit, et parmi ceux qui prouvent la permission de prendre l'aide des mushrikines dans le combat, il y a Qazman, qui est sorti avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Uhud, et il était mushrik. Il dit, il était mushrik. Et il a tué trois parmi les gens de Bani Abd al-Dar, qui portait la bannière des mouchriquines, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise à son sujet, Allah va supporter ou défendre cette religion, même par l'homme pervers, hein, comme cela a été rapporté de façon authentique de la part des gens qui rapportent l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fin de la citation. Donc ensuite il y a la dernière parole qui est la parole de l'imam Ibn Hajar dans Fath al-Bari. Il dit wa qala Ibn al-Muhallab wa ghayrihi la yu'aridu hadha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la nasta'inu bi mushrik li'annahu imma khasun bidhalika al-waqt wa imma an yakuna al-muradu bihi al-fajir ghayr al-mushrik. وأجاب غيره في الجمع بينهما بأوجه غير هذه مما أنه صلى الله عليه وسلم تفرس في الذي قال لا أستعين بمشرك الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه ومنها أن الأمر فيه إلى رأي الإمام وفي كل منهما نظر من جهة أنها نكرة في سياق النفي فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل انتهى كلامه. Donc Al-Hafiz ibn Hajar, il mentionne justement la question de ceux qui mentionnent justement le hadith « Je ne prends pas l'aide du mushrik dans le combat ». Donc ça c'est en fait Al-Bari, le volume 6 à la page 208. Il dit que Ibn al-Muhallab et d'autres ont dit que on ne doit pas opposer le hadith de Qazman et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne prend pas l'aide du mushrik, parce que il dit parce que ça c'était spécifique à ce moment-là, et aussi c'est possible que qu'est-ce qu'on veut dire par l'homme pervers, que ce soit pas le mushrik nécessairement, mais l'homme qui fait des péchés. Et après il dit on a répondu à ça, d'autres ont répondu à ça en disant que on peut réunir les deux preuves par autre chose que ce que Ibn al-Muhallab a dit. Parmi les exemples qu'on peut mentionner aussi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à l'homme « Je ne prends pas l'aide du mushrik », c'est parce qu'il sentait que cet homme voulait se convertir à l'islam, qu'il avait envie de devenir musulman. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a repoussé en espérant qu'il se convertisse, hein, en lui disant « Je ne prends pas l'aide du mushrik » pour l'inciter à se convertir à l'islam. Et effectivement, il s'est converti à l'islam par la suite. Et d'autres ont dit également que cela revient à l'opinion de l'imam. C'est-à-dire que c'est l'imam qui va, le dirigeant musulman qui décide s'il va prendre son aide ou non. Et chacun a un point de vue différent à ce sujet-là. Et le cheikh, il dit, donc il y a, par contre, il y a des, il y a des observations où il y a des objections dans ces deux points de vue-là, puisque le hadith est général, est une négation dans le contexte, dans un contexte général qui implique que c'est général, nakira fi siyaq nafi, c'est une parole indéfinie dans une négation qui implique que c'est quelque chose qui est général, et pour le rendre particulier ou spécifique à quelque chose ou à un événement ou à une personne, il faut que ce soit prouvé par un dalil. Fin de la citation. Le cheikh Abdullah Sinani, il termine en disant, Isam ibn Abdullah Sinani, il dit, قلت حضور هذا الرجل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لكونه من المنافقين بناء على أنهم مأمورون بالقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما أظهروه من إيمان كما قال تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نفاقهم في الباطن بما أعلمه الله وتقدم قول العلامة السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين قال قدرا وقضاء وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين من النساء والمعذورين انتهى كلامه. Donc le cheikh il termine donc cette explication là en disant que le fait que cet homme parmi les hypocrites soit présent dans la bataille, dans les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'il est ordonné de le faire, puisque les hypocrites sont ordonnés de combattre, hein, sont ordonnés de le combattre par rapport à ce qu'ils ont montré de la foi. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 167 dans Surat Al-Imran, et qu'il sait pour qu'il distingue ceux qui ont été hypocrites. Et on leur dit venez combattez dans le sentier d'Allah, ou bien combattez pour vos pays. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait leur hypocrisie qu'ils cachaient en eux-mêmes, parce que Allah lui a fait savoir leur hypocrisie. Et comme l'imam Sa'di l'a mentionné dans son tafsir, comme on l'a lu à propos du verset 46 dans Surat At-Tawbah, mais Allah a détesté les voir suivre les croyants, alors il les a rendus paresseux et il leur fut dit, restez derrière avec ceux qui restent. Hein? Donc l'imam Sa'di, il dit, ils sont restés par le décret et la prédestination d'Allah, et du fait que même s'ils avaient été ordonnés de combattre, hein, et encouragés à sortir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils avaient les moyens de le faire, mais Allah par sa sagesse ne les a pas aidés et il les a laissés derrière et il les a rendus paresseux, et on leur a dit restez derrière avec ceux qui restent, c'est-à-dire avec les femmes et les infirmes et les aveugles. Donc ça, c'est la fin de la citation ici en question. Donc c'est pour montrer que ça, c'est une autre preuve, hein, supplémentaire qui montre que c'est permis. Et vous allez voir à la fin, le cheikh, quand il explique la douzième preuve, il fait ensuite l'analyse de qu'est-ce que les ulama ont dit par rapport à ça, et il donne la parole à la fin. Donc là, on termine ici aujourd'hui. On va voir au prochain cours, inshallah, le point numéro 10, 11 et 12 et la conclusion de cette analyse-là que le cheikh a fait avec les différentes preuves qu'il a mentionnées. Puis on terminera donc le point numéro 7 avec ça, c'est-à-dire la discussion au sujet des preuves de ceux qui disent que c'est permis et de ceux qui disent que c'est interdit, et la discussion des preuves et l'analyse de tout ça à la fin. Au prochain cours, inshallah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.